Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie dans la cour, Sibérie à la mort, il fait si froid dehors, Sibérie, Sibérie, Sibérie nuit et jour, Sibérie mon amour, Sibérie sous la pluie, Sibérie c'est mon tour, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie nuit et jour. Sur la place rouge de nos deux cœurs, sur la place rouge de nos deux cœurs. Sibérie dans la chambre, Sibérie dans tes yeux, Sibérie fleuve amour, il fait si froid dehors. Sibérie dans le train, Sibérie le matin, Sibérie je m'ennuie, Sibérie tous les jours. Sibérie dans la chambre, Sibérie dans la cour, sur la place rouge de nos deux cœurs. Sur la place rouge de nos deux cœurs. Quand je te vois dans le métro, quand je te bois dans mon café, quand je te brûle dans mon tabac, quand je te mange avec mes yeux, quand je nous vois dans un grand bain, quand je te souris à la vie, quand je te parle dans un taxi, quand je te vois je me sens mieux, quand tu t'en vas je me sens vieux. Il est 10 heures et les enfants jouent dans la cour. Sur les gravats de notre amour, sur les gravats de notre amour, sur la place rouge de nos deux cœurs, sur la place rouge de nos deux cœurs. Sibérie dans le train, Sibérie le matin, Sibérie je m'ennuie, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la chambre, Sibérie dans tes yeux, Sibérie fleuve amour, il fait si froid dehors. Sur la place rouge de nos deux cœurs. Sur la place rouge de nos deux cœurs. Quand je te vois, je me sens mieux, quand tu t'en vas, je me sens vieux, il est 10 heures et les enfants jouent dans la cour. Sur les gravats de notre amour, sur les gravats de notre amour, sur la place rouge de nos deux cœurs, sur la place rouge de nos deux cœurs.